frais du bus, le fils dans les coulisses. Chaque façonne comme un maléfice, sa jeunesse sultané sous 8-6, c'est frites comme du sale shit. La chute est prévisible, la dernière shoot avant le sticks. Ça sent le gaz de schiste, pas le temps de faire la sieste, les chiens sont déjà sous la piste. Ça sent partout la piste, seul vestige dans la politique sans prestige. Ramasser les miettes sous l'œil des satellites, ça l'époque, mais je garde le contrôle. Jusqu'au bout, je jouerai mon rôle. Tu me vois sourire, c'est que je suis déjà stone. Si tu me vois courir, c'est que j'entends venir les drones hexagones. Sale sur le trône, combien de bâtards. La balance tombe pas droite, ils vont bientôt sortir les bazars. L'histoire se répète comme tous les films d'une bande star. Un seul dieu, ici bas, appelle-le Seigneur Dollar. We're not a criminal for killing, we'll be killing you. Sick of what we're living, you playing for a season. People scream, they want the naked truth. They think through the make shoot because they're the naked fool. They wanna go to the paradise. Look the face, man, they're scared to die. Everybody keep the belly held tight. So stretch, no cash, no. Monty made a scroll like tie rap. 2, 3, 7 meets, but they die black. Go walk through the streets, so not black. The AKB, we gon' run, stole my gap. Only blood in my eyes, you can call me kamikaze. I'ma fly till I die. Sip more. At 39, 34. Sip more. 3, 51 at 30, yo. Sip more. I am on top of the world, and all I see is shit. All I hear is shit. All I smell is shit. Make me wanna kill this shit. So I say fuck the world. I am on top of the world, and all I see is shit. All I hear is shit. All I smell is shit. Make me wanna kill this shit. So I say fuck the world. J'ouvre la fenêtre, prêt à cracher sur le monde. Et si le jardin d'Eden n'était que catacombe. Les hommes tombent par centaines, l'histoire se répète. J'exploite mon côté sombre, prêt à lâcher la tempête. Celle qui déferle les médias comme une prise de conscience. Mais tout est calculé, ne leur fais pas confiance. Leur science, leur mission, réalité ou illusion. J'ai mes 51, Elysium n'est pas science-fiction. Juré sur la tête au RG, de te faire entendre raison. Nous ne sommes que des chiffres de mandalisés. Dissimulés dans l'obscurité, plongés dans le mensonge. À coups de cartouche, à l'heure morte je songe. Un bon angle de tir, j'ai trouvé à cet étage. Qui sera le premier? C'est loin d'être une image. Indigné, poteau normal que j'ai la rage. Mon cœur s'éteint, tellement de choses à dire. Des gros, il y a au Ebola. La cage en métal s'ouvre, dernier étage. Le ciel se couvre, le vent souffle, annonce l'orage. Fustiger les cons, mon apanage. Fuser les caves qui se croient bons, un viadage. Ils sont légion, regarde leurs pages. Ce ne sont pas des lumières, tu peux remercier Condorcet. Pour son système éducatif, qui n'a fait que renforcer le clivage entre les classes, révolution manquée. Dédicace à Franck Lepage pour toutes ses leçons à viser. La constante macabre, nouvelle notion qui fait briller le cerveau torpillé par la pub sur le câble. Les journalistes veulent t'orienter avec leurs fables. 30 minutes de JT pour résumer ce qui se passe dans le monde. Ça fait 1800 secondes pour te formater. Je vois les modeurs dans ma ville, tout leur échappe dans la vie. La peur régit les moutons, les rôdeurs sévissent la nuit. Les vrais fraudeurs s'enfuient en sous premier étage. Je ferme les yeux, le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. I am on top of the world, and all I see is shit. All I hear is shit, all I smell is shit. Make me wanna kill this shit. So I say fuck the world. I am on top of the world, and all I see is shit. All I hear is shit, all I smell is shit. Make me wanna kill this shit. So I say fuck the world. So I say fuck the world.